Un soir de fin décembre, de janvier, en tout cas en hiver, un homme se laisse guider par l'immigration fameuse. Ses pas sont comme téléguidés dans l'inconnu, car la fraie de lumière émanant d'un endroit jusqu'alors ignoré. Le chemin lui paraît singulier, ses pas se font de plus en plus lents. Parfois il s'arrête, il attend, et irrésistiblement il reprend sa route. Malgré l'hiver inquiétant, la brume et les sons sourds qui emplissent son crâne des dans les malades. Voilà quelques temps j'en ai mis peu, il attire depuis peu. Il n'arrive même pas à s'étonner du caractère inconnu de l'endroit. Lui qui habite dans la petite maison, un peu en contrebas. Spectacle digne d'un vidéoclip de Mylène Farmer. Les cris se font maintenant oppressants, l'on a peur mais ne peut plus reculer. Ses forces l'ont abandonné, c'était son destin. Les occupants s'acharnent sur leurs victimes, à coups de rythme malsain et d'arpèges assassins. Un serpent ondule en hochant la gueule à intervalles féroniques. Il marque les contretemps et encourage la musique. L'homme était attendu. La véranda résonne et le tuyau ricane. La carcasse sera jetée sans cérémonie dans la fosse commune du squamat. On a décidé ainsi. Il en a décidé ainsi.